Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 41e émission, nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau Félix Nisch. Félix, bonjour à vous. Bonjour à vous. Vous étiez le premier invité de notre émission. Les premiers seront les derniers. Exactement. Car le royaume des cieux leur appartient. Alors, cher Félix, j'informe nos auditeurs, pour ceux qui ne le savaient pas, que vous êtes écrivain, pamphlétaire plus précisément, poète également. Ouais, surtout. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, tous disponibles aux éditions Contre-Culture. Je les cite, Arabesque, Vis Comica, Spleen and Strings, un recueil de poèmes, ouais, de votre composition, CCCP et autres chutes, Ex-France et Fragrance Feminae. Sur la gynécocratie. Sur la gynécocratie. Dont d'ailleurs nous allons parler aujourd'hui. Ah ben avec plaisir, oui. Chers auditeurs, comme chaque semaine, je suis accompagné de mon partenaire animateur Xavier, de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour à toi. Bonjour Vincent, bonjour Félix. Salut Xavier. Félix, on a pu lire sur le site d'Égalité et Réconciliation dernièrement deux articles de votre cru. Oui, il y a un moment. Un premier sur 49.3 Magnum, sur la loi El Khomri, dont nous allons parler maintenant. Et un second, d'accord, qui sera le second sujet que nous allons aborder avec vous au cours de cette émission, qui est le féminisme. C'était Autrichienne de garde. Autrichienne de garde, oui. Donc nous renvoyons nos auditeurs vers ces articles. D'accord. Parlons de la loi El Khomri. Félix, vous avez une position qui est assez originale pour, disons, la mouvance. Vous défendez le mouvement gréviste. Oui, à 100%. C'est ça d'ailleurs qui est original, parce que dans ce que vous appelez la mouvance, effectivement, on sent qu'on serait plutôt du côté du, sans le dire, du gouvernement. Par exemple, j'écoute souvent les émissions de M. de Lesquin sur Radio Courtoisie, et tout dans cette radio, systématiquement, on s'en prend aux grévistes, et on pense de ce mouvement que... En gros, la critique, c'est que fout ce gouvernement qui n'arrive pas à briser ce mouvement. Et dans notre propre milieu, à AER, les seuls articles que nous relayons sur le sujet, c'est les articles d'un monsieur Eric... Alors, je vous prie de m'excuser, j'ai oublié son nom, parce que c'est un Belge, mais très sympathique d'ailleurs au demeurant, puisque sur le côté de la droite des valeurs, j'apprécie fort ses articles, notamment sur le féminisme. Hein, il écrit bien. Donc, ce n'est pas une critique personnelle que je fais, ce n'est pas une critique ad hominem, mais je suis absolument en désaccord avec lui, d'autant qu'on ne dit pas qui il est, ce monsieur, par rapport à la politique. Or, quand on prend des sujets comme la loi El Khomri, il faut dire qui parle et d'où il parle. Et lui, c'est un ancien du MEDEF qui défend finalement le patronat et qui défend la loi El Khomri. J'ai lu son site d'une manière un peu plus approfondie. On s'aperçoit que la loi El Khomri, il la trouve très bien. Et ce qu'il n'aime pas, c'est qu'il a peur que le gouvernement recule et que le gouvernement le vide de sa substance. Donc à partir du moment où quelqu'un est pour la loi El Khomri mais déteste ce gouvernement, évidemment, ce n'est pas pareil que moi, qui considère qu'il y a une unité et que ce gouvernement, il n'est pas d'un côté un mauvais gouvernement parce qu'il fait le mariage gay, parce qu'il fait un état d'urgence, parce qu'il est le gouvernement le plus extrême de la décomposition morale, mais c'est en même temps, dans le même temps, un gouvernement de l'extrême droite du capital et qui le prouve. Valls, c'est un Trotskanien, c'est un homme de la droite, du point de vue de ce point de vue-là, du point de vue du capital, et la destruction du code du travail programmé, c'est un recul historique, un basculement de société qu'a bien compris la classe ouvrière et les salariés qui se battent en exigeant le retrait. Xavier ? Oui, mais à ce propos, est-ce qu'il n'y a pas un jeu de dupes avec d'un côté l'opinion publique qui a l'impression que la CGT se bat contre la loi El Khomri ? Tout à fait d'accord. Alors qu'en vérité, on a quand même l'impression qu'il y a des négociations de branches, c'est-à-dire pour les cheminots ou pour des professions comme ça, dont, on peut le dire, les privilèges ne sont plus tellement justifiés du point de vue de l'évolution technique. Et d'un autre côté, la loi travail sur laquelle la CGT va lâcher du lest, et ce qui permettra complètement à François Hollande et Manuel Valls de dire « enfin, on a tenu, on est ferme » et ainsi de suite. Et la CGT est complice. Et en plus, je précise ici que Philippe Martinez, au Congrès, en fait, a été élu avec un score en trompe-l'œil, parce qu'en vérité, la centrale est en crise avec l'affaire Le Pen et un certain nombre d'affaires. Et une infiltration, notamment à la CGT, d'éléments issus du lambertisme. Et qui pousse la CGT, et on a vu des affiches qu'on ne voyait pas avant, comme l'affiche anti-flic, ou un certain nombre de choses. Donc il y a une politique du pire qui masque en fait un renoncement sur la loi travail. Et il y a fort à parier qu'au moment où sera diffusée cette émission, la CGT aura négocié que la loi travail passera. Probablement. Je ne sais pas si elle passera. Oui, je pense que là, effectivement, Martinez, là, on se demande quelle mouche le pique, puisque de son propre chef, il dit « mais on est prêt à négocier ». Comme ça, il rompt en visière avec tout le mouvement qu'il a fait semblant de soutenir. Et d'ailleurs, je pense que, sur ce que vous dites, Martinez, il est aussi pris entre deux feux, si on peut dire. D'un côté, il est quand même le patron de la CGT, donc il doit diffracter cette volonté de défense du code de travail. Donc il est obligé d'être radical. Et de notre côté, il essaie aussi de défendre son business. C'est-à-dire, comme c'est un homme, comme tous les gens des syndicats, qui est littéralement acheté par le capital. Hein, ils ont regardé ce qui s'est fait avec Thibault, etc. Sa position est assez ambiguë. Mais là, il est en train de jouer un jeu très dangereux. Parce que on se demande comment ça va finir. Parce que contrairement à la volonté de la masse des salariés qui exige le retrait, lui, il vient d'affirmer qu'il fallait négocier. Et il se targue d'avoir eu des contacts téléphoniques avec Manuel Valls pour négocier certains points. Alors, je m'empresse de préciser un élément pour les auditeurs. C'est que quand l'usine PSA d'Aulnay-sous-Bois avait fermé, il me semble, en 2014, c'était lui qui était aux manettes des négociations. Et Michel Sapin avait expliqué que c'était vraiment un interlocuteur formidable. Oui, mais ça, c'est classique. C'est un faux dur. C'est classique dans le mouvement ouvrier. Le drame du mouvement ouvrier. Moi, je vous rappelle que on dit souvent que j'ai été trotskiste. En réalité, moi, j'ai commencé mon engagement politique de jeunesse dans l'anarchisme. Et j'ai gardé de cela... À l'aura, oui, mais peu importe. Mais j'ai gardé de l'anarchisme quelque chose. C'est que le malheur du mouvement ouvrier, c'est que, hélas, c'est pas une classe qui a le savoir, qui a la culture, et qui est nombreuse, et qui est obligée toujours de déléguer son pouvoir. Et c'est des hommes de valeur, comme Martinez, qui était un militant ouvrier, j'imagine, sincère et honnête, sur PSA, mais il a été, à un moment donné, repéré, et visiblement, aujourd'hui, il joue un rôle absolument néfaste. Et on pourrait dire qu'il est quelque part... pas vendu, je ne sais pas comment m'exprimer, je ne veux pas avoir des procès, mais qui joue un rôle tout à fait ambigu dans ce mouvement de la loi El Khomri. Encore une fois, parce que non seulement il prétend maintenant qu'on voudrait négocier, alors que cette loi, cette destruction du code du travail n'est en aucun cas négociable, mais en même temps, Martinez et Mailly n'ont pas une fois appelé à la grève générale. Je sais bien qu'une grève générale, ça ne se décrète pas. Mais là, à un moment donné, on voit bien qu'un mouvement de plus de 3 mois qui ne démobilise pas, qui n'est pas épuisé par ces journées soie de mouton, cherche une issue. Et cette issue, c'était tous ensemble, comme ils le disent malheureusement, tous ensemble, non seulement tous les secteurs, mais en même temps, une grève reconductible jusqu'à que le mouvement cède. Et croyez-moi, ce gouvernement faible aurait été mis à genoux en 10 jours de grève générale, je puis l'affirmer. Et je ne suis pas le seul à le savoir, d'où le rôle néfaste de M. Martinez. Xavier ? Alors Félix, dans votre argumentaire, vous opposez la loi travail, le code du travail, au patronat. Dans une vision de lutte des classes un peu surannée. Est-ce que, et quand on discute avec n'importe quel petit entrepreneur, patron de PME ou ainsi de suite, tous vous diront que le code du travail, c'est devenu une lourdeur ingérable, que ça empêche l'embauche et ainsi de suite. Je suis tout à fait d'accord. Mais ça, c'est une question qui ouvre sur un développement qui mériterait 3 heures. Mais je vais essayer brièvement de dire quelque chose. Je suis tout à fait d'accord. Premièrement, je dirais que moi, je ne m'oppose pas, la lutte des classes, le patronat contre la classe ouvrière. C'est vraiment le grand capital qui a besoin de cette loi. C'est l'Union européenne qui la veut, c'est l'oligarchie financière. Mais le petit patronat, c'est vrai, qui embauche beaucoup en France, se croit satisfait et croit qu'il va ramasser les miettes grâce à une loi, mais qui n'est pas faite pour lui en vérité. Alors le développement qu'il faudrait avoir, qui serait très très très long, mais c'est que le petit capital, le petit patronat, ne comprend pas en réalité sa nature. Il fait partie d'une classe qui est périmée finalement. Parce que s'il existe... c'est uniquement parce que le grand capital veut bien qu'il existe, et il n'existe qu'en tant que sous-traitant, quelque part. Et les problèmes que la plupart des petits patrons ont, c'est envers les banques qu'ils les ont. Mais malheureusement, ils ont leur esprit tourné vers les salariés, et malheureusement, ils aimeraient une simplification, ils aimeraient presque, à la limite, refaire revenir la roue de l'histoire à l'envers, et avoir avec leurs salariés des rapports comme on les avait au début du capitalisme, c'est-à-dire dans la petite entreprise familiale. Mais ça, ce n'est plus possible. Alors, de deux choses l'une, ou bien on espère rajeunir le capitalisme, mais ça, mes enfants, ça n'arrivera pas. Et, ou alors, malheureusement, il faut choisir entre les deux classes fondamentales, une fois encore, et je veux dire la classe des salariés et le grand capital. Je dis bien le grand capital. Moi, je ne suis plus aujourd'hui dans des motions genre communistes. Je sais bien que ce n'est pas à l'ordre du jour. Et je sais bien qu'il faudrait que les petits patrons, aujourd'hui, puissent avoir plus d'espace. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est une illusion de croire qu'avec la loi El Khomri, leurs affaires iraient mieux. Je ne peux pas en dire plus, hein, parce que c'est un petit peu complexe. Oui, les petits patrons sont aussi mal représentés que le sont les ouvriers par la CGT. Mais je dirais même plus, je dirais même qu'un petit patron, d'une manière générale, il travaille beaucoup plus qu'un ouvrier. Moi, je suis quand même pas... Je ne suis quand même pas un gauchiste attardé. Je sais très bien qu'il arrive à un petit patron de travailler 12-13 heures par jour et d'être endetté. Mais encore une fois, ce n'est pas la question. C'est la question comment se fait-il qu'il y ait encore un petit patronat. Je le répète, à l'époque des grands monopoles comme nous sommes, ils sont en gros une classe intermédiaire. Et qui voudraient, et qui ont un peu l'esprit borné par l'esprit étroit de leur propre petite entreprise, et qui ne comprennent pas que leurs soucis viennent généralement du fait qu'ils sont endettés par les banques, qui dépendent des fournitures des trusts, etc., etc. Mais ils préfèrent s'en prendre généralement aux salariés. Et ça, pour moi, malheureusement, il faut savoir choisir. Alors Félix, on a bien compris votre positionnement et votre critique, votre dénonciation de la loi El Khomri. Cependant, vous ne pouvez pas ne pas condamner les exactions commises par des casseurs contre les flics et qu'on a vu sur Internet. Oui, c'est encore cette vidéo. Bon, passons. Bon. Oui, non, c'est le genre de vidéo que moi, je la trouve pas du tout probante. Mais... Vous parlez de la vidéo de cette voiture incendiée avec deux policiers. Mais bien sûr que je suis tout à fait contre ces casseurs. D'ailleurs, pour moi, dans la moitié, émarge à la préfecture. Mais ça, c'est un point de vue que je ne peux pas prouver, mais c'est une intuition. Une intuition, d'ailleurs, je dirais, qui est partagée par beaucoup de syndicalistes. Mais actuellement, et notamment mardi dernier, le 14, en tout cas, la violence policière a été excessive à l'égard des manifestants. Le nombre de gens qui ont été gazés, matraqués, est énorme. Et je parle des syndicalistes, non pas des voyous ou des petits cons de nuit debout, qui cela ne m'intéresse pas. Ce que je veux dire par rapport à la police, c'est que la question de la police, c'est une question, là encore, difficile, parce qu'elle ouvre disons que la police, je dirais quelque part, elle a une triple nature. C'est d'abord une addition de personnes, hein. C'est les policiers eux-mêmes qui sont souvent des braves gens, des braves types, et que nous on aime bien d'une manière générale. Personnellement, je préfère voir un gendarme bien habillé, qui se tient plutôt bien par rapport à la sous-humanité que je suis malheureusement contraint d'observer autour de moi. Mais malheureusement, la police est aussi un corps. Et je pense qu'il faut arrêter de voir les choses comme des taupes au ras de la terre, c'est-à-dire de voir les choses comme des additions d'individus et prendre un peu de hauteur et de voir que finalement la police, tout au long de l'histoire, elle n'a jamais réagi que comme un corps. Et c'est un corps de répression. Et dans nos milieux, là, actuellement, on aurait tendance à dire « sale con de manifestants » et « brave flic ». Sans doute, mais c'est avoir très, très, très, très peu de mémoire. Souvenez-vous la manière dont les mêmes policiers n'ont pas hésité à casser en deux les manifs pour tous et à faire plier la bonne bourgeoisie catholique lorsqu'elle manifestait dignement pour une cause tout à fait valable. C'est derrière l'écart des CRS que les femmes se foutaient à poil. Je l'ai vu de mes yeux parce que je manifestais là-dedans. J'ai vu arriver une fois débouler les femmes d'une rue où elles s'étaient foutues à poil derrière les camions des gendarmes. Et elles sont passées une barrière qui a été ouverte par les flics. Et à l'intérieur de la manif pour tous, on voyait de temps en temps des voyous encagoulés qui, tout d'un coup, faisaient apparaître une matraque télescopique et un brassard. Donc la police, c'est un corps de répression. Et c'est aussi une troisième chose, c'est aussi une histoire, je dirais même c'est aussi une tradition, la police. Quand on rentre dans la police, on fait partie d'une tradition historique. Parce que la police, c'est pas rien. C'est pas juste, comme disent les gauchistes, des mecs au service du grand capital. C'est pas non plus, comme le disent les gens de la droite, des braves mecs qui font régner l'ordre. En réalité, c'est aussi une tradition. Et une tradition qui a sa propre histoire, sa propre mentalité. Une mentalité un peu paternaliste à l'égard du peuple. Une vision de l'histoire. Quand on rentre dans la police, on rentre pas n'importe où. C'est un vieux corps millénaire, la police, qui a sa propre logique, sa propre pensée, et qui, des fois, traîne les pieds par rapport au pouvoir. C'est une certitude. Mais là-dessus, je voudrais aussi faire une remarque. Un policier au 19e siècle, qui, individuellement parlant, qui rentrait dans la police, idéologiquement parlant, je voulais dire, il est rentré parce qu'il partageait des valeurs, notamment les valeurs de l'ordre contre l'anarchie, etc. Par exemple, il défense la propriété. Aujourd'hui, une jeune femme, parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui rentrent dans la police. Quels sont ces critères de rentrer dans la police? Bien sûr, il y a le truc d'aujourd'hui, tout le monde veut chercher un travail. Mais je pense qu'on n'a pas suffisamment conscience que beaucoup de fliquettes, notamment, partagent l'idéologie dominante, puisqu'on l'appelle comme ça, c'est-à-dire se bat pour le monde tel qu'il est. C'est-à-dire le monde de la gay pride, le monde où on met en prison l'homophobie, le monde où on matraque les gens qui osent dire un mot de travers sur certaines communautés, etc. Donc elles ont une homogénéité du fait même de leur entendement personnel avec l'idéologie dominante, et du coup elles rentrent dans la police pour défendre cet ordre-là. Donc moi je pense qu'on a beaucoup d'illusions sur la police. On entend de ci, de là, oui, ils disent à Alain Soral, on vous défend, on vous aime bien. C'est possible, je ne le nie pas. Encore une fois, on peut être un brave homme en étant policier. Notamment, par exemple, je pense aux braves gendarmes de province, qui sont des braves types et qui sont très utiles. Une gendarmerie en province... Les gendarmes, c'est des militaires. Oui, les militaires, mais c'est un corps encore de police. Encore autre chose, parce que les policiers, c'est les syndicats... Oui, mais j'ai intégré quand même la gendarmerie dans un corps de répression. C'est un corps de répression, la gendarmerie... non pas au même titre que la police, mais c'est quand même un corps de répression. Tu prends la guerre de 14-18, on peut dire que lorsque les soldats ont commencé à vouloir se mutiner, parce qu'ils en avaient marre de crever comme des chiens dans les tranchées au service des marchands de canons, c'est la gendarmerie qui les a fait charger. Parce que derrière, ils étaient sûrs d'être flingués par les gendarmes. Alors, voilà. Alors, vos réflexions tout à l'heure sur les fliquettes qui défendent finalement le monde tel qu'il est. Enfin, je dis pas ça de toutes les fliquettes. Il y en a sûrement de charmantes. D'ailleurs, il y en a de très jolies, j'ai remarqué, premièrement. Je sais pas où ils les recrutent, mais souvent, on dirait un concours de beauté. Je le remarque, il y a de jolies blondes. Mais je dis que je pense qu'une toute jeune femme aujourd'hui qui décide de rentrer à la police, à mon avis, contrairement à une idée reçue chez les gauchistes, c'est pas parce qu'elle est fasciste, raciste ou CRSSS. Voilà ce que je veux dire. Mais ces réflexions nous amènent à votre deuxième article. Autrichienne de garde, que nos auditeurs pourront lire sur le site d'Égalité et Réconciliation, que j'ai lu avec intérêt, et où vous expliquez que les femmes en Autriche ont voté à 60% pour les Verts, ouais. Les femmes de 16 à 29 ans ont voté à 80% pour les Verts, ouais. Et à partir de ces données, vous en déduisez des conclusions sur la gynécocratie. Oui, absolument. Alors déjà, premièrement, est-ce que vous pouvez nous résumer ce qu'est la gynécocratie selon vous? La gynécocratie, c'est juste le féminisme installé, le féminisme qui a réussi. C'est une caractérisation, à mon avis, tout à fait fondamentale de la société telle qu'elle est devenue. Et je pense que nous sommes réellement dans une gynécocratie. C'est pour moi une évidence. Et le droit de vote des femmes, d'abord, premièrement, je fais remarquer que les femmes n'ont jamais conquis le droit de vote, on le leur a donné. Donc c'est déjà une remarque à faire, parce que le féminisme, dans son délire, prétend que les femmes auraient conquis ceci, cela, l'avortement, la pilule et le droit de vote. Alors, premièrement, le droit de vote n'a pas été conquis, il a été offert dans tous les pays. En Allemagne en 1919, pareil en Autriche, en France en 1946, mais chaque fois parce que l'oligarchie au pouvoir a bien compris, et avec juste raison, les résultats récents le prouvent, que ce serait bien pour leurs intérêts. Quant à la pilule, elle a été inventée dans des laboratoires américains, le laboratoire Lagouët-Hale, si j'ai bonne mémoire, dès les années 40, essayé sur des populations pauvres, on a fait mourir des tas de gens d'ailleurs, par un planning familial yankee qui était à la fois raciste, eugéniste et malthusien, c'est-à-dire qu'il voulait une diminution drastique des populations. Et on a inventé ça, c'est pas les femmes qui l'ont inventé, ce sont des laboratoires. Et en plus, cette pilule, elle a été octroyée par des gouvernements de droite en France. Excusez-moi, là, j'ai pas préparé l'émission, donc j'ai pas les noms. Mais de toute façon, je prépare un livre sur le sujet. En tout cas, dans les années 50, hein, la pilule, on appelait ça la contraception. Toute une propagande déjà se faisait jour par ce gouvernement bourgeois, encore une fois, sur la nécessité pour la femme de s'émanciper des chaînes de la famille. Donc on voit bien, et alors pour l'avortement, c'est la même chose. L'avortement, les féministes nous font croire que l'avortement est une sorte de lutte qu'auraient menée les femmes dans les années 70. Non, elles se sont contentées de couiner collectivement pour avoir quelque chose qu'elles avaient déjà. Le droit à l'avortement, c'est Simone Veil, hein, et le gouvernement de Giscard, qui est d'ailleurs le même gouvernement du regroupement familial. Donc on ne peut pas... ça, c'est pour montrer déjà un premier point. Et là, en l'occurrence, dans les élections autrichiennes, on voit bien que le vote des femmes a permis de faire barrage à ce qu'on appelle l'extrême droite. Oui, c'est-à-dire barrage à finalement une rupture, une fois de plus, avec notre marche à l'agonie. C'est-à-dire qu'on voit encore que la femme, d'une manière classique, c'est ce que disait Aristote, c'est ce qu'ont dit tous les grands misogynes, enfin, misogynes, c'est pas moi qui les appelle ainsi, ce sont les féministes, c'est-à-dire tous les philosophes, finalement, la psyché féminine est beaucoup plus homogène avec l'idéologie dominante. C'est une certitude, tout le monde sait ça. Mais ce sont des vérités anthropologiques qu'on nie aujourd'hui. Et on fait passer les femmes pour des éléments subversifs de la société. En réalité, elles ne subvertissent rien. Elles, au contraire, elles le renchérissent. Et le renchérissent d'une manière quasi hystérique sur les desiderata de la domination actuelle. On voit bien que toutes les forces en présence, toutes les forces de l'oligarchie financière, de l'Union européenne, étaient pour la victoire du vieux vert, là. Donc ce vote ne peut pas être appelé un vote en rupture. À propos de ce droit de vote, je voudrais vous faire remarquer que lorsqu'en 1946, le droit de vote a été accordé aux femmes, c'est le Parti communiste qui traînait des pieds. Oui, oui, je vous assure. Même ils avaient fait faire des films à un type dont j'ai oublié le nom. C'est un cinéaste, c'est le fils d'un peintre. C'est des films très... Évidemment, le PC ne s'inscrivait pas dans une logique misogyne. Ils disaient qu'ils étaient pour ce droit de vote. Mais en même temps, ils essayaient d'éduquer. Et alors, ces films, c'était toujours le thème. C'était toujours... Il y avait un voyou, semi-maquereau, qui commence par séduire la fille, qui ne regarde pas un ouvrier honnête et travailleur. Puis à la fin, elle comprend que c'est l'ouvrier honnête et travailleur qui est le bon. Mais c'était des trucs, vous voyez, pour montrer que tout ce qu'on nous raconte aujourd'hui, cette fameuse gynécocratie, tout ça, c'est totalement artificiel, factice et inventé. Et en même temps, Félix, il me semble que vous voyez en France l'émergence d'un nouveau féminisme oui, à droite. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça que je parle ainsi et que j'ai écrit ça. Parce qu'en réalité, sinon, je m'en fous un peu maintenant. Mais c'est parce que je vois émerger, j'ai fait référence tout à l'heure à Radio Courtoisie, sur cette radio, j'ai entendu à plusieurs reprises des jeunes personnes, si j'ai bonne mémoire, c'est Eugénie Bastier et Madame Cluzel, qui s'inscrivent, jeunes femmes, qui s'expriment d'une façon convenable, ce qui nous change. Elles ne disent pas « en fait » tout le temps, donc déjà une diction assez agréable, qui s'inscrivent dans une logique manif pour tous, vous voyez le genre, et qui tout d'un coup s'en prennent au féminisme. Mais quand on les écoute très attentivement, on voit que, comme le dit d'ailleurs Eugénie Bastier elle-même, qui dans son ouvrage qui s'appelle « Adieu, mademoiselle », un titre qu'elle m'a d'ailleurs emprunté, je ne sais pas si c'est conscient, puisque j'ai écrit moi-même un texte qui s'appelle « Adieu, mademoiselle » dans mon livre « Fragrance féminae », mais les titres sont à tout le monde, bien sûr, je plaisante un peu. Et dans cet ouvrage, elle dit qu'en gros, le féminisme est dévoyé, c'est-à-dire que le féminisme deviendrait fou. Et ces personnes se basent sur les événements de Cologne. Et elles s'aperçoivent avec stupéfaction que les féministes ont pris parti quasiment pas pour les femmes, là. Elles qui sont toujours prêtes à s'indigner pour un oui, pour un non, pour un sifflement, pour un regard de travers. Aujourd'hui, vous savez qu'on a des lois, il ne faut plus aborder les femmes, tout ça. Là, non. Il y avait alors Eugénie Bastier, Madame Cluzel s'indigne. Elle se demande si ces féministes ne sont pas devenues folles. Et en réalité, non. L'essence du féminisme, elles ne le connaissent pas, ces deux dames, et il faudrait le leur apprendre. Le féminisme, moi, je le connais bien, puisque je suis né dedans, si je puis dire, hein, puisque je viens de l'extrême-gauche et j'ai maintenant 60 ans. Donc le féminisme, je l'ai vécu dans son origine, et c'était la guerre au mâle blanc, hein, explicitement. Ça a toujours, le féminisme s'est toujours relié au peuple dit de couleur, hein, en faisant des femmes, des homosexuels, des noirs, etc., des opprimés pour remplacer les classes ouvrières autochtones. Il suffit d'entendre, comme je l'ai écrit dans l'article, madame, toutes ces dames-là qui disent toutes, la patronne d'Areva, madame Benguigui, Caroline Dehaas, toutes, abat le mâle blanc. Donc, dans la mesure, ce ne sont pas des mâles blancs qui violent. Et dans la mesure où ces féministes sont d'abord pour l'immigration, la surprise de Madame Cluzel et de Madame Bastier me paraît de très mauvais augure. Et c'est parce qu'elles veulent rajeunir un féminisme qui, effectivement, grâce aux femmes, grâce à ces prises de position de colonne, commence à montrer son vrai visage. Et pour être franc, ça a vraie très, très, très sale gueule. Parce que peu d'hommes savent que le féminisme a une très, très sale gueule, parce que nous sommes naturellement indulgents avec les dames, nous sommes naturellement galants. Et il est rare d'associer le mot « sale gueule » avec le mot « féminisme » ou « femme », mais là, c'est vraiment le cas. Le féminisme est une véritable infamie. Hein. C'est 250 000 avortements par an. C'est la dénaturation des femmes, la déféminisation des femmes, etc., etc. Mais comme vous le savez, je serai intarissable sur le sujet. Donc, Félix, vous ne pensez pas, comme Kluskar, que la lutte des classes prime sur la lutte des sexes? Je suis l'anti-Kluskar, si je puis dire. D'abord, j'estime beaucoup Kluskar, je le trouve très nécessaire. Il a écrit « La lutte des classes subsume la lutte des sexes ». Subsumer, c'est un terme de philosophie ancien qui veut dire « est inclus dedans et est déterminé par ». Donc on voit bien. Mais malheureusement, en disant cela, je ne reprends pas Kluskar que sur cette phrase, je l'ai lu hein, sur le sujet du féminisme. Et c'est pour ça que je dis que je suis anti-Kluskar. Kluskar valide l'idée de la phallocratie. D'ailleurs, c'est un concept qu'il utilise. L'idée de Kluskar, c'est que phallocratie et féminisme sont jumeaux. Il les renvoie dos à dos en disant que finalement, ce qui est déterminant, c'est la lutte des classes. Mais il pense que la lutte des sexes se produit à l'intérieur de la lutte des classes. Lors même que moi, je pense tout à fait le contraire. Je pense que la lutte des classes, ce n'est que l'actualisation historique de la guerre primordiale qui est une guerre des sexes. Et je pense que les sexes ne sont pas du tout homogènes, ne sont pas du tout complémentaires, et qu'on repère des féministes, même dans l'Antiquité, il suffit de lire Aristophane, qu'il y a toujours eu à la marge, je dirais, dans la fange du sexe féminin, des individus qui ne sont pas heureux d'être des femmes, mais jusqu'à présent, on ne les écoutait pas. Et encore une fois, cette réussite du féminisme, et donc là on voit bien que je ne suis pas dans la même ligne que Kluskar qui dit, je pense, un peu autre chose, cette réussite du féminisme est tout à fait adossée à l'impérialisme. C'est l'impérialisme qui veut tout décomposer, qui promeut tout ce qui détruit, qui n'a de cesse de foutre en l'air tout ce qui structure finalement. D'une part les nations, d'une part la classe ouvrière, tout à l'heure on l'a dit, et maintenant ils s'en prennent aux germaines même de la race humaine, c'est-à-dire son sexe. Ils s'en sont pris à la famille. Et caetera, voilà, hein. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Chers auditeurs, Alain Soral, le président des Guides de Réconciliation, vient de rentrer dans la pièce. Alain Soral, installez-vous. Alain Soral, bonjour. Bonjour à tous. Vous revenez de Russie ? Oui. Comment s'est passé ce voyage ? Eh ben, très bien. J'appréhendais parce qu'il y a une tellement mauvaise image de la Russie propagée par les médias occidentaux et les nôtres que malgré mon sens de la désinformation, j'appréhendais quand même. Et en fait, j'ai vu Moscou. Hein. Moscou n'est peut-être pas la Russie. Enfin, c'est sa capitale. Et vraiment, c'est bien mieux que ce que je pensais, et bien, bien mieux que ce qu'on en dit. Ouais. Déjà, première remarque, à Moscou, tout fonctionne, quoi. Tout fonctionne. Le métro marche bien, il n'y a pas de tension dans les rues, pas de violence. Les monuments publics sont impeccables. Il y a une douceur de vivre. Hein. Il n'y a pas les tensions qu'il y a chez nous. Hein. Il y a pas de... Ça brûle un empire multi-ethnique et multiconfessionnel. Il n'y a pas du tout les tensions qu'il y a chez nous. En fait, ce qui est assez amusant, quand on prend un peu de recul, c'est que la France aujourd'hui qui donne des leçons au monde entier de droits de l'homme, de je ne sais pas trop quoi, c'est quand même le pays où ça va le plus mal de tous les pays que j'ai visités au monde, peut-être à part l'Algérie pour d'autres raisons. C'est la merde, elle est chez nous, quoi. En Russie, franchement, ça va bien, quoi. Et on a vu la réaction des médias français sur ce voyage ? Oui, ça... Alors j'ai été très bien accueilli là-bas, puisqu'on m'a invité officiellement, on m'a payé le voyage aller-retour, on m'a offert une suite dans un hôtel 5 étoiles. Poutine, en personne, est venu nous saluer lors de ce colloque, hein, qui était d'ailleurs sur la nécessité des médias non alignés par rapport aux médias mainstream, c'est-à-dire aux médias sous contrôle impérialiste américain. Ils vont jamais au-delà de l'américain là-bas. Sionistes, ils évitent le sujet, ce qu'on peut comprendre. Mais donc très très très très bon accueil. Et effectivement, ça a terriblement agacé ici, ce qui est d'ailleurs très flatteur et en même temps un peu délirant, puisque le lendemain même de mon retour, je crois, à l'occasion de la fête d'une fête, je sais pas si c'est la fête nationale russe, je sais plus exactement. Une fête à l'ambassade de Russie à Paris. Monsieur Kuckermann s'est déplacé pour aller pleurnicher que malgré les remarques qu'ils avaient faites la fois précédente sur ma personne, j'avais quand même été invité. C'est marrant parce que ces gens-là n'ont ni le sens du ridicule ni de la mesure. Poutine n'est pas François Hollande. Hein. Il fait de la réelle politique, certes, mais il ne prend pas directement ses ordres chez Netanyahou, quoi. Félix ? Ben, je suis très content hein, de ce que tu dis. Je suis un peu surpris quand même que tu trouves que la France ne présente pas bien. Moi, je trouve que c'est assez chic quand même en ce moment, surtout en ce moment avec les grèves, tout ça. Et tu dis que pour l'Algérie, c'est d'autres raisons. Ben, je me demande si c'est vraiment d'autres raisons. C'est pas le sujet de toute façon. Mais... Non, mais je sais pas quoi dire sur la Russie, c'est pour ça. Non, mais j'ai les choses qui m'ont sauté aux yeux, c'est que, par exemple, moi qui suis considéré comme un vieux stalinien, parfois, je me dis, je suis un peu snob, je culpabilise un peu, parce que bon, stalinien en France, c'est pas pareil qu'en Russie. Mais quand je vois l'urbanisme de Moscou, les magnifiques monuments soviétiques qui forcent le respect et l'admiration sont datés de 1951-52, et on voit très bien que l'époque Staline est beaucoup plus respectée par les Russes que l'époque même Khrouchtchev, qui est le début de l'effondrement, même au niveau de la construction des logements sociaux, puisque tous les logements, par définition, sont sociaux dans une république socialiste, et que Staline, au moins, respectait son peuple au niveau de l'habitat, la hauteur sous plafond, la qualité de la construction. Et le métro est très beau, non ? Magnifique, oui, magnifique. Mais ça aussi, c'est fait pour le peuple, et on dirait la Galerie des Glaces de Versailles, quoi. Et là, il y a quand même quelque chose à comprendre sur pourquoi, quand même, une certaine popularité de Staline, notamment à sa mort, le petit père des peuples. Bon, il a peut-être fait chier des intellectuels de la moyenne bourgeoisie supérieure comme Solzhenitsyn, mais au niveau du prolo, je pense que globalement, le bilan était positif pour eux. Et ça se ressent, quand on regarde l'habitat, les constructions. Et puis on voit vraiment la concurrence avec les États-Unis à l'époque, c'est-à-dire que c'est des buildings. Il y a aussi des bagnoles, on ne se rend pas compte qu'il y a des bagnoles qui sont exactes, des bagnoles russes de l'époque, qui sont comme les bagnoles américaines. Il y a eu vraiment... un âge d'or de l'URSS qui correspond, le sommet ça doit être Gagarine, hein, c'est-à-dire l'immédiat après-guerre jusqu'à, je sais pas, on va peut-être que le début de la fin, c'est peut-être le voyage de Khrouchtchev aux États-Unis, on va le dater comme ça, où c'est un âge d'or et vraiment on voit que c'est une grande puissance qui rayonne. Alors bon, les mauvaises langues disent que les buildings là, qu'on appelle les sept sœurs sont magnifiquement construits parce qu'ils ont été construits par les prisonniers allemands. C'est possible aussi. Mais les Allemands ont autant donné aux États-Unis par le projet Apollo qu'ils ont donné aux Russes. En fait, ils se sont partagés en deux le génie allemand. Donc on ne voit pas pourquoi les Russes n'auraient pas touché leur part. Ils ont quand même donné 20 millions de morts. Quand le débarquement de Normandie, on a fourni 9 000, je crois. Hein. Faut rappeler quand même les proportions. Bon, et autre digression, Moscou, c'est l'Europe, quoi. Hein. Et voilà, on est chez nous, c'est ça qui est incroyable. Et il y a un très grand respect pour la France là-bas, mais ils parlent de Gaulle et Le Pen. Hein. Au-delà, ils ont une vraie conscience de l'effondrement total de la France actuelle. Et c'est vrai qu'il suffit de comparer Hollande à Poutine pour voir que Enfin voilà, dans la distribution des cartes, ils ont un as et on a un 2, quoi. Et je peux dire un truc là, Poutine, finalement, ça a été une résurrection parce que après la chute de l'URSS, il y a eu une authentique décomposition avec toutes ces mafias qui dépeçaient littéralement la propriété sociale hein, quand elle a été privatisée. Avec des jeunes étudiants peine 30 ans, qui n'avaient d'ailleurs pas un rond, mais qui avaient monté des joint ventures avec la haute finance américaine. Il faut quand même le faire remarquer. Ouais. C'est-à-dire que déjà, ils ont pris les bolcheviks sur la gueule, qui, comme l'a rappelé Poutine devant l'équivalent du consistoire, était quand même, ce n'était pas une révolution russe, mais une révolution anti-russe majoritairement. Ah, il a dit ça. Bien sûr qu'il l'a dit. Il l'a dit devant les religieux. Il a l'air de dire restez des religieux, ne vous mêlez plus de politique. Décidément, c'est Poutine. Et ils ont eu bis repetita, une fois qu'ils se sont débarrassés de l'épopée soviétique, puisqu'à la fin, à partir des réfugiés, on peut peut-être l'appeler comme ça, a décidé que le bolchevisme était une horreur réductible au goulag, mais que cette épopée monstrueuse était consubstantielle à l'âme slave. Alors que c'était une déslavisation ultra brutale de la Russie, ce qui est admis aujourd'hui par tous les historiens. Hein, parce que même j'ai fait remarquer que dans URSS, il n'y a même pas le mot russe dedans. C'était totalement hors sol et abstrait. Hein, Union des républiques socialistes soviétiques. Hein. En fait, ils ont eu, après avoir réussi à se débarrasser de l'épopée soviétique, telle qu'elle est admise à peu près aujourd'hui, ils se sont pris les oligarques dans la gueule. Et il faut remarquer que c'est encore... ça vient encore un peu de la même origine et pour eux c'est la même c'est une catastrophe qui recommence et qui vient des mêmes. C'est pour ça que même si Poutine a une politique réaliste très intelligente, puisque au moment même où j'y étais, j'ai visité le Kremlin, on m'a invité à visiter le Kremlin, il y avait une salle d'apparat où il y avait drapeau israélien, drapeau russe, drapeau israélien. Netanyahou était en même temps que moi, je crois, là-bas. C'est-à-dire que Poutine reçoit tout le monde, il reçoit Netanyahou, mais il reçoit aussi les dignitaires iraniens, les dignitaires palestiniens et la résistance française, hein, c'est un grand politique. Ouais. C'est pas pour les branleurs là, qui, de 20 ans qui nous écoutent. Il dirige un empire. Hein, il ne fait pas de l'Internet. Hein, donc il est obligé d'être réaliste. Mais je pense qu'il a la culture et la distance. Il a vu. Il sait ce que c'est que l'histoire de son pays, l'histoire du 19e siècle, du 20e siècle, du début du 21e siècle. Et il sait. Ça, il est certain qu'il sait. Et il n'a pas mis le passé bolchevique sous le tapis. Non, en Russie, on n'a pas enlevé les étoiles rouges du Kremlin et tout ça. C'est intégré dans l'histoire, comme les tsars et ainsi de suite. Oui, bien sûr, ça correspond à mon discours de Valmy que j'avais écrit, exactement, comme vous le savez, pour Le Pen. Exactement. De la Russie, il prend tout. Toi, tu prends aussi tout. Et n'oublie pas que cette réconciliation nationale, en fait, a commencé avec la Grande Guerre patriotique. Parce que Staline, pour que le peuple russe accepte d'aller mourir pour la Russie, est obligé de re-russifier la révolution bolchevique. Et Staline, c'est le Staline de la deuxième période, la bonne, celle qui, d'après, à partir de 1936, des procès de Moscou, qui sont quand même une déformation du bolchevisme. Il faut quand même, c'est pour ça qu'on les présente comme absurdes ici, parce qu'on ne veut pas expliquer quel était l'enjeu. Tukhachevski et les autres, quand même, je me permets d'avoir une petite restriction. Ah bah, c'est pas du 100%, excuse-moi, c'est des lois tendancielles, comme on dit dans le marxisme. Liquidé... Oui, c'est vrai, il a liquidé tout l'état-major. Oui, mais il a réintroduit à partir de Joukov. Pour gagner la guerre, Staline a compris qu'il fallait re-russifier la révolution russe et qu'il fallait réintégrer les élites militaires issues même de la Russie blanche en réalité, parce que sinon la guerre ne pouvait pas être gagnée, parce que le peuple ne veut pas se battre pour des élites dont il a parfaitement identifié qu'elles sont totalement illégitimes, hors sol. Et il va se passer la même chose en France à un moment donné. Et en fait, à partir de 1936, puis après Stalingrad, on a une URSS à nouveau russe. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il y a plusieurs époques à critiquer, à contempler. Et à partir de 1943, les Russes adhèrent par la Grande Guerre patriotique au projet global. Et là, on voit, à partir de ce moment-là, la grande fierté russe, la russe soviétique peut-être, avec effectivement les Gagarines, etc., la deuxième puissance du monde. On le voit dans les monuments publics, on les voit... voilà. Et je pense qu'il faut bien distinguer avant la Grande Guerre patriotique, avant les grands procès de Moscou aussi, et après... et bien comprendre qu'il y a eu un âge d'or qui s'étudie aussi, moi, quand j'étais au PC, sur l'épargne, sur la qualité de la vie, sur la qualité de l'enseignement, sur les congés payés. Il y a toute une dimension sociale et des bienfaits de l'Union soviétique post-1945, qui est totalement occultée par l'idéologie dominante française. On comprend que Bernard Lévy, on n'en a rien à foutre de la condition objective des travailleurs. Mmh. C'est pas son problème, il est milliardaire. Et il est il faut bien comprendre pourquoi aussi aujourd'hui il y a encore un parti communiste assez fort en Russie, qui est d'ailleurs pas totalement opposé à Poutine, hein, il y a des alliances objectives, et pourquoi La vraie catastrophe pour les Russes, c'est Gorbatchev, qui pour nous apparaît comme un mec bien. Pour eux, c'est un tocard absolu. Voilà. Et c'est même pire qu'Eltsine. Hein. Ah bon, même pire ouais, qu'Eltsine. Je pense, oui. Ouais. Et justement, qu'est-ce qui reste de cette époque après la perestroïka, toutes les années 90 Bah, il reste l'américanisation quand même, qui est très forte. Hein. Il ne faut pas oublier que la Russie n'est pas l'alternative aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a une pénétration occidentale qui est très forte, notamment au niveau de la jeunesse, au niveau des élites économiques qui sont toujours compradors et traîtres. Hein. Le poisson pourrissant toujours par la tête, on le voit en Amérique latine. Donc il ne faut pas rêver. Mais il y a une double société. Il y a une société. Ils ont réussi à faire une espèce de jonction, on va dire, entre une fascination pour le monde moderne qui est fondamentalement américain. Je suis allé à un concert de rock dans une salle très belle d'ailleurs, sponsorisée par l'équivalent de Apple, mais de l'Apple russe, parce que les Russes, on ne le sait pas aussi, développent du Apple russe, du Google russe, du Facebook russe, même si ça ne marche pas très très bien, il paraît, mais il y a tout ça, auquel nous n'avons pas accès et dont nous ignorons tout. Je suis allé voir un groupe de rock progressif russe dans une très belle salle, un groupe de Saint-Pétersbourg, c'est de très bonne qualité. Ça ressemble un peu à du Gilad Atzmon, en moins jazzeux et peut-être moins... Bon, je ne vais pas employer de mots ambigus, mais c'est plus rock'n'roll, et ça vaudrait le coup de diffuser en France, de même qu'on ne voit jamais les films russes grand public. Je ne parle pas des films de dissidents à la con, je parle des films de guerre, des polars, etc. On gagnerait, et c'est presque un travail à faire, à montrer ici, à faire tomber en réalité le rideau de fer culturel qui est total, hein, parce qu'on nous parle de chute du rideau de fer en 89, je crois. En réalité, il y a un rideau de fer total qui est maintenu envers la Russie, surtout depuis qu'elle s'est redressée. En fait, on nous montrait beaucoup plus la Russie du temps des voyous et des oligarques. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, j'ai proposé une analyse de la prise du pouvoir de Poutine aux Russes même, parce que j'ai rencontré des intellectuels russes, qui ne l'avaient pas pensé et qui l'ont validé. Je vais garder un peu de suspense, je vous la balancerai tout à l'heure. Xavier ? Et la jeunesse russe, comment l'avez-vous trouvée par rapport à la jeunesse parisienne, même si c'est pas homogène ? Toujours aussi belle, j'imagine. Alors oui, première remarque. C'est la première fois, moi, qui vis à Paris beaucoup. Chaque fois que j'ai voyagé à l'étranger, il n'y a pas de femme plus belle que les parisiennes. La seule fois où je peux dire qu'on est largement concurrencé, c'est à Moscou. C'est la Russie entière, je ne sais pas. Cet empire est immense. Mais en Russie, à Moscou, il y a des très belles femmes. Alors le morphotype, c'est l'inverse de la brésilienne. La brésilienne est basse sur pattes, avec un gros cul et un jean taillot pour compenser des petits seins. Elle est, selon nos critères de beauté, elle est vraiment en dessous de la moyenne, puisqu'en fait, c'est l'union du peuple le plus laid d'Europe, qui sont les et du peuple le plus laid d'Afrique, qui sont les hein. Là, je me fais encore des amis. Oui, mais il faut être le politiquement correct, comme dirait Trump, il y en a marre. Hein. Et en Russie, il n'y a pas de politiquement correct, hein, je vous le dis tout de suite. Là-dessus, ça fait du bien. On respire. Alors, la belle russe, parce qu'il y a beaucoup de belles filles russes à Moscou, elles sont très longues sur jambes, avec des jambes très fines, souvent, magnifiques, et des belles fesses, et des petits visages par rapport à la Hongrie, où les Hongroises ont un côté chevaline un peu. Elles ont des petites têtes, ce qui est le signe d'une élégance hein, chez les femmes, volume de tête, longue, c'est-à-dire grande, avec des grandes jambes, des belles jambes. Alors elles sont très adeptes du talon haut, hein. Elles mettent très en avant leur cheville et leur mollet, et elles ont souvent des belles fesses. Il y a vraiment des très jolies femmes à Moscou, et j'ai rencontré, on va le dire, plein de Français expatriés là-bas, qui m'ont tous dit « Reviens, reste, qu'est-ce que tu te fais chier en France ?» Et il y a beaucoup de couples, le Français qui s'expatrie épouse une Russe. Hein. Il commet pas la bêtise de ramener une bobo... une Charlie d'ici. Hein. Ça fait plaisir de savoir que toutes ces belles femmes, depuis Poutine, cessent d'enrichir les couloirs pourris de la pornographie. Puisque, ouais, ça, c'était plus la Hongrie et les pays satellites que la Russie. Il y a pas mal de Russes avec Eltsine, hein, quand même. Ça ici, à Paris, il y a eu des Russes qui se prostituaient. Oui, d'ailleurs, souvent, les réseaux étaient organisés par ce cinéaste russe, qui n'était pas que russe, d'ailleurs, qu'on nous avait vendu à l'époque... Ouais. Il faisait des films de propagande, j'ai oublié son nom, mais j'avais été invité dans un espèce de château qu'il avait racheté au rabais, et c'était plein de putes, j'avais été très, très choqué. Je ne vais pas dire son nom, mais c'était le cinéaste qu'on nous vendait au moment de l'effondrement de la Russie, et qui vivait en France. Hein. Mais il n'était pas que russe, hein, comme toujours, hein. Il avait la double appartenance et la double éthique. Aussi. Voilà, oui, c'est comme ça qu'on va dire. Donc oui, la jeunesse russe, c'est pareil, assez moderniste, entre guillemets, mais il y a une vraie fierté de la culture russe traditionnelle. J'ai été invité aussi à un baptême orthodoxe. Et là, c'est pareil, comment on les appelle, les popes, les prêtres russes sont habillés, comment dirais-je, à l'ancienne. Hein, ils ont l'équivalent de soutane, souvent les cheveux longs, avec une barbe. Enfin, ils ont je vais le dire, ils ont un look, quoi. Il y a quelque chose qui force le respect. Les églises sont entretenues. Alors, les monuments publics, sont, que ce soit les monuments culture ou religieux, sont magnifiques à Moscou. Je vous dis pas aussi le Kremlin, quoi. Là, on voit que ce qui fascine Paris chez les, pour les étrangers, c'est le côté maison de poupée. Au niveau de l'échelle, ça peut même être un peu angoissant, c'est immense, Moscou. Ouais. Vous voyez, le Kremlin, c'est énorme. Et puis, c'est flamboyant, quoi. Les couleurs, la muraille, l'église d'Ivan le Terrible, etc. Ça vaut l'argent. Enfin, on se gargarise avec Versailles, les Invalides, etc. Tout ça est très beau, hein, le classicisme français. Mais les Russes n'ont pas de complexe à avoir. Hein. Moscou est une ville impériale. Déjà, j'avais été impressionné par Budapest. Je ne parle pas de Vienne, mais Paris, c'est Paris-Village, en fait. Hein, ce qui ils plaît ont à Paris. L'équivalent du centre Beaubourg ou pas, quand même? Parce qu'on a ça, quand même. Non, ils ont plein des tas de trucs comme ça. C'est joli. Et puis ils ont je plaisantais, là. Non, mais ils ont. Non, mais moi, je trouve que Beaubourg, c'est une seule réussite. Ah bon, c'est vrai? Oui, je trouve ça très beau. Ouais. Parce que c'est la volonté de Pompidou. Et que Pompidou avait du goût pour le moderne. Ce n'est pas les trucs de Mitterrand qui sont des erreurs et des catastrophes architecturales systématiques. L'Opéra Bastille étant l'exemple absolu de la merdasse totale. Mais Beaubourg, il y a un vrai projet, il y a un vrai parti pris, et c'est un succès mondial, parce que au moins, il y a un parti pris architectural. Mmh. Le pire, c'est quand il n'y a pas de parti pris, comme a été à l'époque le Palais des Congrès, qui a été restructuré, heureusement. En architecture, on est très mauvais pour des raisons de corruption politique, hein, parce qu'on choisit toujours le projet qui fait l'unanimité entre les décideurs, ce qui est vraiment le même principe qu'en littérature. Quand vous voulez mettre tout le monde d'accord pour un prix littéraire, vous prenez le roman qui déplaît le moins possible, c'est-à-dire celui qui a le moins de contenu, de sang, de point de vue, de radicalité, quoi. Donc il faut comprendre ça. Non, Moscou, ville impériale magnifique, bien entretenue, tout marche. L'Internet marche incroyablement. Il y a de l'Internet partout, haut débit. Ils sont dans la modernité. Et la jeunesse russe est à la fois tournée vers l'Occident, il n'y a pas de problème, il y a une pénétration américaine évidente comme chez nous, mais en même temps, une fierté et un ancrage dans leur culture orthodoxe impériale russe, que malheureusement, qui correspond peut-être à ce que pouvait être l'équilibre de la culture française entre le tournée vers l'Occident, mais fière d'elle-même, sous De Gaulle, vous voyez, je pense que... Les yéyés. Mauvais exemple. Virez, toi. Non, mais du temps de Gaulle, on voyait bien qu'il y avait une ouverture vers l'Ouest et en même temps une certitude de ce que c'était que la France. Ouais. Ça n'a fait que... C'est les films d'Audiard, quoi. Voilà, c'est ça. On va dire ça comme ça. Et Poutine, effectivement, moi, j'ai fait une conférence, comme vous savez, là, à la bibliothèque Dostoïevski. Alors aussi, c'est pareil. En Russie, il y a des squares partout avec des personnages en bronze, tu sais, des grands personnages russes. Et là, ça nous rappelle quand même, tu vois tous les grands personnages, notamment de la littérature russe. C'est pas de la rigolade. C'est-à-dire qu'à Mitte, il y a deux grandes littératures au monde, la littérature française et la littérature russe, hein, dans l'époque moderne, en plus, je veux dire. Hein. Et d'ailleurs, nous, on règne avec Balzac, Flaubert, Maupassant, ce qui est déjà un petit ressucé. Et eux, ils prennent le relais après avec Dostoïevski, Tolstoï. Et c'est quand même un grand pays de culture, voilà, faut pas oublier. C'est pas... en Amérique, ils ont Dos Passos. C'est pas la même chose. C'est un pays européen, de ce point de vue-là. Hein, je veux dire, on a vraiment... Plus qu'européen, c'est un pays. La France et la Russie sont des nations sœurs au niveau culturel. On peut vraiment communiquer au niveau littéraire, au niveau de la vision du monde, on pourrait creuser le sujet, mais c'est une évidence quand on y est, et c'est aussi une évidence pour eux. Et c'est une évidence pour eux aujourd'hui qu'on vit sous occupation et qu'on vit une période dramatique comme ils ont vécu, parce qu'ils connaissent bien les drames. Hein, c'est un pays qui est abonné au drame. Hein. Ils ont tragique. Ils ont le sens du tragique, voilà. Et nous, on le découvre un peu en ce moment. Hein, ouais. Voilà. Et en tant que Français, comment avez-vous été accueilli? En tant que Français dissident, très très bien. Sinon, si j'étais le Français officiel, les types m'ont parlé de l'ambassadeur de France là-bas, une merde. La journaliste du Monde qui est venue rendre compte de ma conférence, une merde. Enfin, ils ont conscience qu'aujourd'hui, nous sommes dominés, dirigés par des traîtres qui ne sont que des merdes. On le voit même physiquement. Hein. On a que des... pareil, au niveau du morphotype russe, c'est un pays d'hommes. Hein. Quand on rentre en France, on voit bien qu'on n'est plus qu'un pays de fiottes. Quoi. On le voit par nos ministres. Hein. On a un ministre de l'Intérieur qui est une petite fiotte d'1m65. Il n'y a pas un type qui culmine à plus d'1m65 dans notre gouvernement. Et même si Poutine n'est pas un grand gabarit, quand il arrive dans la salle, puisque moi j'ai eu le plaisir de le voir arriver avec 35 gardes du corps, etc., on dirait Craig, le nouveau James Bond, là, tu vois. Il a une présence, il a un physique. D'ailleurs, il y a des anecdotes qui circulent sur ce qu'il a fait subir à Sarkozy quand Sarkozy est venu, là, où il l'a fait conduire tout feu éteint à je sais pas combien dans son 4x4, et que l'autre a failli se chier dessus. Il lui a vraiment mis... Il lui a, On voit pourquoi, en fait, comment dirais-je, Sarkozy est revenu fasciné par Poutine. Poutine lui a mis une leçon, quoi, une leçon de virilité, une leçon de politique. Ça, c'est des bruits qui circulent un peu aujourd'hui. Et d'ailleurs, on sait aujourd'hui que Sarkozy essaye de se faire adouber par Poutine pour essayer de lutter pour les présidentielles contre Juppé, qui a été adoubé par les Américains. Ouais. Il y a vraiment un effet Poutine, hein, quand il rentre dans la salle. Pourtant, on dit qu'il a les médias contre lui, ses propres médias contre lui, les médias russes. Il faut comprendre que les médias moscovites sont pour la mondialisation, sont des mondialistes, puisque comme exactement les élites brésiliennes, les élites vénézuéliennes, elles veulent faire du business à l'international. Comme aujourd'hui, Poutine est sanctionné pour ne pas avoir renoncé à la Russie puissance, certaines élites économiques et la bourgeoisie des villes, comme toujours dans tous les pays, on a notre propre bourgeoisie américanophile et sioniste traître. Le vrai soutien à Poutine, c'est chez les élites intellectuelles de haut vol, chez les patriotes et chez le peuple, et peut-être même en province. Quand il y a une manif un peu anti-Poutine à Russie, ils proposent d'affréter des trains pour faire venir les travailleurs des villes lointaines. Parce qu'il ne faut pas oublier que la vision russe du monde aussi, c'est de maintenir, en dehors de l'intérêt économique immédiat et de la rentabilité économique immédiate, des ponts avec les villes lointaines, puisque la Russie est un pays immense, fait de vides et de régions hostiles, où si tu décides à un moment donné de penser à la Sibérie en termes de rentabilité, tu abandonnes tout. Ce qui s'est passé sous Eltsine. Les types étaient enfermés dans des villes qui, au départ, étaient des villes de recherche, notamment du complexe militaro-industriel, et ils se sont retrouvés livrés eux-mêmes à des milliers de kilomètres sans possibilité même de survivre, parce qu'ils n'étaient plus rentables. Or, la vision impériale russe, c'est un peu comme la vision que doit avoir un État stratège par rapport à la France des campagnes, c'est qu'on maintient des relais sociaux, des relais administratifs partout, parce qu'on a une vision globale de type sociale et nationale. Si on pense en termes de rentabilité pure, la Russie est un non-sens, puisque c'est le pays le plus immense du monde, avec des régions entières qui sont gelées en profondeur pendant des mois. Normalement, il devrait dire on abandonne les trois quarts du territoire pour rentabiliser à mort ce qui fonctionne au niveau comment dirais-je, même de l'agriculture. Il faut voir ce que ça doit être l'hiver à Moscou, ce que ça coûte d'entretenir. On comprend, nous, quand on a une vague inondation ou un hiver un peu rigoureux, on se rend compte que la route est bloquée, les trains ont du mal à marcher, ça fait des dégâts sur la voirie, il faut refaire un peu des routes, ça fait péter les trottoirs, les canalisations, etc. La Russie, c'est ça tous les ans, obligatoire, pendant des mois et des mois. Donc c'est une autre approche de ce que c'est que la continuité administrative et la notion de rentabilité. Il est évident que si tu mets la rentabilité américaine dans la Russie, ils se décident d'abandonner les deux tiers du territoire et de le laisser livrer à lui-même et d'abandonner leur population lointaine. Voyez, donc c'est pour ça que ça ne peut pas fonctionner. La Russie ne peut pas se gérer comme la Californie. Hein. C'est une évidence. Hein. Et même un rapport à la nature, alors. Oui, bien sûr. Bah, c'est d'abord la nature qui commande. Pourquoi la France est un pays aussi heureux et aussi jalousé? Parce que c'est une zone tempérée et il n'y a pratiquement aucun endroit au monde qui a un climat aussi favorable toute l'année. C'est pas un pays d'extrême. On peut aller bronzer tranquillement l'été sur la Côte d'Azur. On peut aller faire du ski à la montagne en hiver, mais tout en pouvant sans avoir des températures de moins 30, moins 40. Enfin, il suffit de regarder. La France est un magnifique jardin que Dieu nous a offert et que beaucoup convoitent. C'est petit, mais c'est merveilleusement équilibré. Ça a beaucoup à voir avec l'architecture française aussi, avec le classicisme français, qui est tout en mesure, en nuance et en discrétion. Par rapport justement aux Russes, où quand on regarde le Kremlin, il y a du rouge, il y a du vert, il y a du bleu, ça pète dans tous les sens, on est dans des gammes chromatiques extrêmes, dans une architecture extrême. La France est le pays de l'équilibre. C'est pour ça même que pour un Français, au bout d'un moment, ça peut être un peu chiant. Et aujourd'hui, c'est un pays de la mollesse, parce qu'effectivement, quand l'équilibre n'est plus au service d'une vision, il ne reste plus le fait que le côté, justement, trop mesuré, hein. Ça donne la niaiserie française contemporaine et la version française du politiquement correct, quoi. Ouais. Le charlisme, quoi. Voilà, le charlisme. Donc Alain, vous pensez que l'espoir, aujourd'hui, c'est la Russie? Ah oui. Oui, on a besoin de la Russie pour nous relever et puis pour maintenir, faire contrepoids à l'énorme influence américaine, anglo-américano-sioniste. Poutine a sans doute aussi besoin de nous pour avoir des relais, puisque la multipolarité ne se fera pas juste avec la Russie. Et notre destin manifeste aujourd'hui, c'est, enfin pour en tout cas un combattant pour la France, c'est de se tourner vers la Russie et de demander à la Russie de se tourner vers nous. C'est ce que j'ai dit quand j'étais à ce colloque où on faisait l'apologie des médias mainstream non alignés sur Internet. Moi, je leur ai dit, j'ai pas besoin qu'on m'explique ce qu'il faut faire. J'ai dit, I do the job, help me to help us, quoi. Aidez-moi à nous aider. C'est l'idée, c'est le message que j'ai envoyé. Parce que j'espère à un moment donné, d'ailleurs, que ce message sera entendu au-delà d'une simple visite de politesse. Mais les Français expatriés et les binationaux russes, enfin moscovites, m'ont très bien compris. Ils m'ont très bien accueilli. Ils m'ont dit qu'ils allaient organiser que je puisse revenir encore dans de meilleures conditions. Et ils ont très bien compris tout ça. Et il y a d'ailleurs, on pense à Alexandre Latsa, on pense à notre camarade dont on diffuse les vidéos, Xavier Moreau. Eux, ce sont des Français qui se sont expatriés, qui ont épousé des Russes et qui se battent pour rétablir ce lien franco-russe. Et je rappelle d'ailleurs que c'était la stratégie de De Gaulle dès le CNR. De Gaulle s'est toujours appuyé secrètement et intelligemment sur la Russie pour, tout en étant dans le camp atlantiste, maintenir l'indépendance française par ce subtil équilibre qui s'appelait d'ailleurs la troisième voie, qui était en fait ni Union soviétique ni États-Unis, mais maintenir la voie française par cet équilibre entre les deux. Et étant donné qu'on était dans le camp atlantiste, aussi bien au niveau géographique que politique et historique, il avait un très fort lien avec la Russie, dont il disait d'ailleurs « l'Union soviétique, pour moi, ça n'existe pas, c'est la Russie ». Il disait très bien, il avait déjà compris, parce qu'il avait quand même compris beaucoup de choses, De Gaulle, même si c'est pas un grand militaire, c'est un très grand politique et un grand patriote, ce que les gens d'extrême droite ne comprennent pas toujours. Il avait très bien compris que la Russie allait bien au-delà de l'Union soviétique et qu'elle était bien plus profonde et qu'elle lui survivrait et qu'elle perdurerait. Et aujourd'hui, justement, il n'y a plus l'hypothèque soviétique et de se soumettre à un impérialisme communiste, etc., ce qui pouvait agacer à une époque. Aujourd'hui, on a toutes les raisons, il n'y a aucune restriction pour se tourner vers la Russie et établir un partenariat culturel et économique avec la Russie pour faire contrepoids à cet impérialisme américano-sioniste qui était en train de nous détruire. Et en réalité, le respect pour la France, c'est à l'Est. Il n'est pas à l'Ouest. À l'Ouest, nous avons toujours été une civilisation rivale de la civilisation anglaise devenue anglo-américaine. Nous avons toujours été l'ennemi à abattre, avec toujours les mêmes traîtres. Il suffit de rappeler ce que faisaient les Bourguignons sous Jeanne d'Arc. Les Russes nous ont... déjà Pierre le Grand, ils nous ont toujours beaucoup plus admirés, respectés et tendu la main que les Anglo-Américains. Je veux dire, c'est une évidence. Et il faut rappeler cette évidence absolument aujourd'hui, et je suis là pour ça. Mais malgré tout, Alain, pendant que vous étiez en Russie, Netanyahou était également à Moscou. Oui, bien sûr, c'est ce que je dis. Comment s'appelle Poutine est le chef d'un immense pays qui est un empire, d'ailleurs, un authentique empire. Et il fait de la réelle politique. Et il essaye de montrer qu'il est absolument nécessaire et à tout le monde, y compris à Israël. Son message, c'est déjà de dire « Les Américains risquent de vous lâcher un jour. Ils vous ont lâché sur l'Iran. Ne mettez pas tous vos œufs dans un même panier. Comptez aussi sur nous, tout en sachant qu'un tiers des Israéliens sont d'origine russe. » Voilà. Xavier. Et beaucoup sont des Russes qui se sont fait passer pour des Juifs au moment de la fin de l'Union soviétique. Oui, parce qu'au moment de l'effondrement de ce qui a succédé à la perestroïka, pour survivre en Russie, si on était Juif, on était subventionné en dollars pour aller s'installer en Israël. Et il y a des types qui étaient tellement dans la merde en Russie qui se sont fait passer pour des Juifs, ce qui n'est pas très dur quand on voit comment ils valident Yad Vashem comme victime de la Shoah, la propre femme de Goebbels. Ils ne sont pas très regardants quand c'est nécessaire. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Israéliens d'origine russe, parce qu'il y a un tiers d'Israéliens qui sont d'origine russe, qui ne sont même pas des Juifs, qui sont des faux Juifs. Donc il tient 30% de l'électorat. Et en plus, il y a des néo-nazis donc en Israël. Donc entre les Palestiniens et les néo-nazis, il y a beaucoup plus d'antisémitisme. Et puis surtout, ce sont ces Russes qui tiennent, ce sont ces Russes israéliens, pas toujours juifs, qui tiennent toute la mafia et le banditisme israélien. Ah bon ? Oui, oui, mais ils sont plus efficaces au niveau physique. Quand on connaît l'histoire du banditisme, les sont très forts pour monter les arnaques et prendre le pognon. Ils sont pas très forts pour le garder parce qu'ils n'ont pas la virilité et la capacité de violence qu'ont des Tchétchènes ou des Géorgiens ou même des Serbes, etc. Mais tout le monde le sait, ça. Mais ils sont circoncis, alors. J'en sais rien, mais en tout cas, Poutine joue là-dessus. C'est-à-dire qu'il dit à Netanyahou, ne comptez pas que sur les Américains, vous pourrez peut-être un jour avoir besoin de nous. Mais en même temps, je le dis, quand il invite Netanyahou, il invite Soral aussi, il invite pratiquement en même temps un haut dignitaire iranien et aussi un représentant des Palestiniens. D'un air de dire, c'est moi le chef, c'est moi qui vous protège, c'est moi le patron. Et quand le Kukerman va pleurnicher à l'ambassade de Russie, là, parce qu'on a osé m'inviter... ils ne se rendent pas compte que Poutine n'est pas François Hollande. Hein. Ils donnent le courrier à l'ambassadeur en lui disant de transmettre le courrier à Poutine. Oui, genre, on lui avait bien dit de ne pas inviter Soral. Poutine a expliqué clairement à Sarkozy ce que c'était que la France à un moment donné en disant « Si vous continuez à me faire chier, je vous botte le cul. Vous n'êtes rien. » Et là, il dit « Oui, bien sûr, je protège les Juifs, puisque vous êtes des citoyens russes et qu'il y a la liberté de culte. Oui, bien sûr, Israël est une réalité. Je ne suis pas un hystérique du... voilà, je ne suis pas un Gazaoui, mais vous me parlez poliment et avec déférence, comme El Kabach s'est adressé à lui. Hein, rappelez-vous comment... Voilà. Parce que Poutine, aujourd'hui, est, à mon avis, en tant qu'individu, l'homme le plus puissant du monde. Ce n'est pas Obama. Évidemment, il est pas tout puissant parce qu'il est obligé de composer avec des puissances énormes, notamment la puissance américaine sous domination. Mais en tant qu'individu, c'est probablement l'homme le plus puissant du monde parce qu'il est à la tête d'une immense fortune. Puisqu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans un premier temps... Alors là, je vais te dire, expliquer comment il a pris le pouvoir, si on a le temps un peu. Bien sûr. Comment expliquer que Poutine a réussi à prendre le pouvoir en Russie ? Je vous rappelle qu'il a été appelé par Eltsine, en fin de mandat, à la demande des oligarques. Je rappelle que les oligarques russes étaient majoritairement des qui, en fait, étaient là, servaient de prête-nom pour faire passer tout, comment dirais-je, la richesse russe nationale dans les mains d'intérêts privés à C'est comme ça que ça s'est passé. Avec la Banque européenne de développement à Londres, qui était tenue par Attali, justement. Oui, bien sûr. C'était, c'était tous ces réseaux-là. Une fois de plus, en fait, cette s'est jetée pour la... au moment où elle a vu qu'elle était en voie d'effondrement. Ces gens-là... c'est l'histoire. Voilà. Donc, à un moment donné, on est arrivé à une situation sous Eltsine, qui a eu deux mandats, où pratiquement toute la richesse nationale russe, puisqu'on est passé d'une richesse d'État qui a été violemment et privatisée par des arnaques, hein, que je vous expliquerai. On distribuait des actions à tous les Russes, puis après, il y a des mecs qui venaient leur racheter, ceux qui avaient les moyens, ce qui fait qu'en quelques années, tout le capital russe est passé dans les mains étrangères. Alors le problème, c'est que ça a pu se passer qu'en détruisant totalement l'État russe. Hein. C'est-à-dire l'État russe a produit, comme premier effet, la prise du pouvoir économique total sur la Russie d'une poignée d'oligarques. Hein. On ne va pas donner les noms, Khodorkovsky, machin, ceux qui se sont après barrés en Angleterre, etc. Ils sont majoritairement... Voilà. Mais le problème, c'est que cette dislocation totale de l'État russe a produit aussi une montée de gangstérisme énorme et de haut gangstérisme. Et à un moment donné, le problème des oligarques, c'est un peu l'histoire des mafias. Une fois qu'ils ont achevé leur prédation, ils ont eu un problème, c'est de sécuriser leur prédation par rapport aux bandits, qui eux étaient des sanguinaires. Et là, ils ont eu besoin qu'on sécurise leur prédation. Et qui pouvait sécuriser leur prédation ? L'appareil d'État. Ce qui restait de l'appareil d'État, c'est-à-dire le KGB, et la police et l'armée. Et ils se sont dit, il nous faut un type qui nous obéisse, et qui empêche qu'on se fasse voler ce qu'on a volé par des prédateurs plus violents que nous, qui s'entretuent entre eux. Et c'est l'époque, effectivement, des oligarques et du haut banditisme russe, où les types s'assassinaient à tout va, et qui correspond au chaos maximum. Et à l'époque, d'ailleurs, où l'espérance de vie russe est tombée à 52 ans, la natalité s'est effondrée. Enfin, une catastrophe totale. Hein. Il faut bien se rappeler des responsabilités. Et Poutine le sait. Et là, Eltsine a dit « J'ai un petit colonel du KGB qui baisse toujours la tête et qui regarde ses godasses. Et lui, si on le coopte, il va... assurer notre sécurité et assurer la sécurité de nos prédations. » Et Poutine a eu ce génie de se faire passer pour ce personnage-là. Ouais. Et donc, à un moment donné, l'échiquier lui ont donné les clés de l'armurerie. C'est toujours ce vrai dialogue entre le fusil et l'échiquier. Et à un moment donné, l'échiquier, terrorisé par le chaos qu'ils avaient créé et qui se retournait contre eux, on regarde l'histoire des révolutions françaises, on a Napoléon qui arrive au pouvoir un peu pour les mêmes raisons. Parce qu'il faut sécuriser la prédation des prédateurs qui sont des escrocs mais qui n'ont pas de couilles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ne sont même pas capables d'assurer leur propre sécurité. Voilà. Mais une fois qu'ils ont bien volé, il faut que quelqu'un assure leur sécurité. Et là, ils appellent quelqu'un qui peut le faire. Et comme ça a été Napoléon après la gabegie du thermidorienne et l'époque de décadence et de qui correspond hein, comment ça s'appelle oui, cette période des où ils se sont annoncés le directoire où, qui est une période de partouze généralisée et qui amène Napoléon au pouvoir là ils ont dit Elstine a dit bon je vais bientôt partir. J'ai Poutine, colonel du KGB, qui tient la police, etc. Et il ne faut pas oublier que beaucoup de militaires à l'époque qui étaient au chômage s'est transformé en gangsters. Hein. Ce qui peut arriver en France demain, si l'État s'effondre, on peut avoir effectivement des gendarmes, des policiers, des militaires qui assurent les revenus qu'on ne leur donne plus en devenant des racketteurs organisés. Ça s'est passé en Yougoslavie, ça s'est passé... Donc, à un moment donné, les oligarques supplient que Elstine leur propose une solution pour se sécuriser contre le banditisme. Et là, donc, Poutine arrive les yeux baissés, et on lui file les clés de l'armurerie. Hein. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il convoque les oligarques, rappelez-vous de ce moment merveilleux, et il leur dit « Maintenant, la donne va changer. Vous pouvez continuer à faire du business si ce n'est pas contre les intérêts de la Russie. » Et là, le plus puissant des oligarques, qui est dans la main des Américains, qui est Khodorkovsky, lui dit en gros « Mon petit merdeux, j'appelle les Américains et je te dégage. » Mais le temps qu'il décroche son téléphone, Poutine le fait arrêter, tout simplement. Parce que lui, il contrôle le FSB. Et rappelez-vous, il dit au FSB, ça y est, nous... Oui, on a pris le pouvoir. Ça y est, on a pris le pouvoir. Et là, on voit que c'est un patriote. Et qu'au lieu de se contenter d'être le chef du département sécurité de la mafia, il décide effectivement de jouer sa chance et de remettre les oligarques à leur place. Alors, dans un premier temps, il dit, je vous laisse faire ce que vous voulez, c'est-à-dire un capitalisme... De oligarchique, si vous n'êtes pas contre les intérêts de la Russie. Et comme Khodorkovsky est en train de faire passer le pétrole et le gaz russe sous contrôle américain direct, et qu'en plus Khodorkovsky le défie, il fait de Khodorkovsky un exemple, il l'envoie en Sibérie, et il dit aux autres, voilà, j'ai le pouvoir, vous avez peut-être l'échiquier, vous avez peut-être le soutien de l'Amérique qui est très très loin d'ici, moi je peux vous faire arrêter demain matin et vous envoyer en Sibérie, et en plus je vous remets 9 ans pour tripotage homosexuel dans les douches. Et Khodorkovsky, il lui fait coudre des moufles, vous voyez. Voilà. Et là, les autres... Il y en a la moitié qui se soumettent, ceux d'ailleurs qui sont en général un peu plus patriotes, et les autres se barrent, comme vous le savez, en Angleterre, se mettent à pleurnicher, etc., achètent des clubs de football, etc. Donc on a... Et cette histoire, c'est l'histoire de Poutine. Donc il sait très bien l'histoire de la Russie, il la connaît très bien. Hein. Il sait qu'ils sont... Quand Kukerman vient le voir pour le supplier de persécuter Soral, il sait très bien ce que représente et qui est Kukerman. Il faut pas rêver, même s'il est dans le réalisme politique. Je ne sais pas ce qu'il fera, d'ailleurs. Hein. Il peut décider de me sacrifier ou pas, j'en sais rien. Mais il sait, hein, il a la culture. Et il se rappelle ce que ces ont fait de son pays par deux fois, hein, dans des périodes qui ne sont pas si reculées que ça. Hein. Voilà, donc c'est l'histoire de la prise de pouvoir de Poutine. Et après, la deuxième phase, parce que je continue à m'instruire, c'est qu'au départ, il a laissé les oligarques travailler, parce qu'il n'avait pas le choix, à condition qu'ils ne soient pas anti-russes. Donc il en a dégagé certains qui sont partis à l'ouest. Et les autres, petit à petit, d'après ce que j'ai compris, il les a remplacés par des potes à lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, l'oligarchie russe, c'est des prête-noms de la bande à Poutine. Alors on va dire que c'est une dictature, mais comme je le rappelle, le bien du peuple passe toujours par des despotes éclairés, et la plus mauvaise période pour le peuple, c'est la démocratie. Hein. Parce que la démocratie, c'est toujours le pouvoir de l'argent, et de l'argent hors sol. Hein. C'est une certitude, quand on a une longue vision de l'histoire... on peut parler d'ailleurs de la période stalinienne heureuse. Voilà, donc Poutine a le pouvoir économique et militaire sur la Russie. Donc c'est l'homme le plus puissant du monde, certainement. Et c'est parce qu'il a et le pouvoir économique et le pouvoir... il a et le chéquier et le fusil, qu'il peut faire une politique. Alors que même Obama ne peut pas en faire. Hein. Obama, il décide ce que lui dit la réserve fédérale américaine, Netanyahou, etc., etc. Mais en même temps, effectivement, c'est fragile, comme pouvait être fragile De Gaulle ou Napoléon, parce que qu'est-ce que c'est que le poutinisme? C'est un homme, c'est sans doute... des types qu'il essaye de former, mais il va sans doute rester au pouvoir encore quelques années. Mais qu'est-ce qui se passera après Poutine? C'est ça la vraie inquiétude des Russes aujourd'hui. Ouais. C'est pas Poutine, c'est qu'est-ce qu'on va devenir s'il n'y a plus Poutine et pas de remplaçant de Poutine. Rappelez-vous ce qui s'est passé après De Gaulle. Hein. C'est la chienlit, l'effondrement progressif jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et un truc qui paraît tout à fait quasiment anecdotique, ou même insignifiant, et qui va devenir signifiant, c'est quel sera le résultat de l'élection américaine, puisque nous avons un Trump... Qui va s'entendre avec Poutine et la tarée là, qui va à la guerre contre Poutine. Bien sûr, oui. C'est pour une fois, une élection va être déterminante. Oui, enfin, et comme par hasard, l'espoir pour la paix, la multipolarité, c'est plutôt Trump, oui, qu'on fait passer pour un mec d'extrême droite, bien etc. Sûr, bien sûr. Et celle qui est de gauche, là, elle est entièrement dans la main du lobby militaro-industriel et sioniste, et elle veut la guerre à tout prix. À tout prix. Et c'est une femme hystérique. Voilà, donc on est vraiment là dans le... Je ne sais pas ce que tu as dû en parler tout à l'heure. Non, c'est vraiment la gynécocratie, l'hystérocratie, tout ce que tu voudras. Et ça permet de faire une petite remarque sur Marine Le Pen, à quel point elle est dans les choux en ce moment. Hein. Parce que Trump est bien l'exemple, c'est quand même une Le Pen. C'est Le Pen, Trump. Non, non, mais bien sûr Trump est l'exemple que l'Amérique qui a inventé le politiquement correct, qui est une invention, il faut bien le vérifier historiquement, ils en ont marre du politiquement correct. Et quand il se fait emmerder, non, mais il faut appeler un chat, moi je ne suis pas antisémite. Et je sais bien. Je vois pas pourquoi juif serait une insulte. Hein, c'est comme ça. Hein, voilà. Et quand une journaliste qui est une putain habillée en hôtesse et qui aurait pu être... qui dit vous vous permettez de manquer de respect, machin. Il lui répond, les Américains en ont marre du politiquement correct, on a des choses plus sérieuses à gérer. Et l'hôtesse, avec ses fournichons maquillés comme une voiture volée, elle passe pour ce qu'elle est, hein, c'est-à-dire une pute au service de l'oligarchie. Et aujourd'hui, que Marine Le Pen n'ait pas compris ça, qu'elle ait viré son père, prouve qu'elle n'a rien compris en réalité à l'avenir, parce que Trump est bien la preuve que Le Pen est à la... Comme je disais, qu'il fallait garder Georges Marchais, qu'il allait devenir branché quand je me suis fait virer du PCF. Hein. Ce qu'avait compris son père trop tôt, peut-être. Oui, mais justement, quand t'as deux coups d'avance et que tu commences à être rattrapé, c'est pas le moment de virer le mec, tu vois. Au moment où tu vas être en phase, on te dégage parce que t'as toujours été incompris. Alors que là, c'était le moment où Le Pen, tout le monde pouvait se dire, il a tout dit sur l'immigration, il a tout dit sur les dangers de l'islamisme. Finalement, c'est un homme cultivé. Zemmour dit la même chose que lui aujourd'hui sur la collaboration et sur Pétain. Et quand Zemmour parle à la grande synagogue des Victoires, il est applaudi. Non seulement il faut écouter ce que Zemmour a eu le courage de dire, mais qu'il a été massivement applaudi par les juifs de la synagogue qui étaient là, ce qui prouve bien que beaucoup de juifs, malgré leurs élites délirantes, folles et catastrophiques, savent que la ligne Zemmour, qui est aussi la ligne Soral, est la voie de la sagesse, et la voie même de la sécurité et de la paix et de la réconciliation nationale pour la majorité des juifs du quotidien. On devrait avoir plus de juifs dans notre organisation. Il y en a, on a Gilad Datzman, oui, on a Jacob Cohen, mais on ne fait pas du communautarisme et du clientélisme, on n'a pas besoin d'être adoubé, hein. On sait ce qu'on dit, on sait par qui on est persécuté. C'est pour ça que moi, j'ai pas de complexe à employer le mot juif. On dirait aujourd'hui qu'il y a une terreur dès qu'on dit ce mot-là, alors qu'il me semble qu'il n'y a pas de... Rien n'est occulté de tous ces rapports de force, de tout ce communautarisme qui est ouvertement revendiqué aujourd'hui. Donc parlons le dérapage clair. Permet de mener la danse après par la suite. C'est-à-dire que, par exemple, quand on refuse le dérapage comme Florian Philippot, on l'a vu chez... Ça a très bien marché quand il a dit à Valls de se calmer. Hein, il a dit « quand même ». Mais Philippot n'est pas... là aussi, c'est un truc qu'on pourrait reprocher à Jean-Marie Le Pen. Il fait une fixette sur Philippot parce qu'il ne supporte pas psychologiquement d'avoir été viré par sa propre fille. Mais Philippot n'est pas du tout mauvais. Je pense que comment il s'appelle le maire de Béziers là, Ménard qui essaye de faire, en fait, qui est là pour faire péter le Front National. Ouais. Alors ça, c'est une annonce que je fais aujourd'hui. Si le Front National, quand je suis arrivé en 2006-2007, avait eu une idéologie, avait eu un programme idéologique qui était gauche du travail, droite des valeurs, il se serait protégé de la scission qui est en train d'arriver, puisque j'ai toujours dit il y a deux Fronts nationaux. Il y a le Front National de Hénin Beaumont qui est social. Et le Front National de PACA, qui est racial, hein, avec des petits bourgeois, des bourgeois et des rentiers au sud, et des travailleurs au nord. La problématique des gens du nord, c'est l'État social, qu'ils veulent maintenir. La problématique des gens du sud, c'est l'immigration, l'islam et la rente. Hein, ouais, et que la seule idéologie qui permettait de maintenir ces deux composantes, hein, qui malheureusement sont hétérogènes, ensemble, c'était l'idéologie gauche du travail, droite des valeurs. Parce que tu pouvais rattraper la droite du front sur les valeurs, et tu pouvais capter la gauche qui vient de plus en plus, hein, l'ancien électorat communiste, sur la gauche du travail. Philippot, c'est la gauche du travail. Il ne peut pas comprendre la droite des valeurs parce qu'il est homosexuel. Donc il refuse d'aller à la manif pour tous. Mais il fallait que Marine Le Pen soit au-dessus de tout ça, et dise « Plus je fais de la gauche sociale, plus je dois faire de la droite morale. » Bien sûr. Et elle ne l'a pas fait. Fasse la synthèse. Et aujourd'hui, il y a une fronde de droite, droitière, et c'est le maire de Béziers, avec Collard, qui a essayé de manipuler la nièce. En fait, la nièce est très droitarde. Et ils sont en train de monter la nièce droitarde contre Marine, qui est collée à Philippot, de gauche. Et je vous garantis, parce que je suis prophète, ils vont faire péter le Front National avant les présidentielles. Toute radio courtoisie aussi. Ils vont faire péter le Front National avant les présidentielles. Aujourd'hui, il y a tout un courant union des droites débile au Front National qui s'appuie sur la nièce, qui s'appuie aussi sur les manipulations de Collard, qui s'appuie aussi sur Louis Alliot, qui était à Béziers, hein, et qui est censé être le concubin de Marine et qui n'est pas sur sa ligne. Et Marine, elle est collée sur la ligne sociale de Philippot parce qu'effectivement, elle a tous les arguments statistiques pour montrer que l'électorat massif vient de là, que les autres, c'est la vieille... C'est la vieille arrogance bourgeoise qui prétend tenir le front sans se soucier jamais du quantitatif. Hein. C'est la, quelque part, c'est la vieille extrême droite. Ils sont pour l'union des droites, eux. Hein. C'est un peu la vieille extrême droite, narbonoïde. C'est... Oui, mais ils sont pour le... Oui, c'est les narbonoïdes dont parlait Céline, ouais, ouais. À l'envers. Mais surtout, ils sont pour l'union des droites pour des raisons idéologiques, sans se soucier, en fait, de quoi ? De statistiques. Alors que Philippot a son frère pour lui fournir les stats, et Marine est collée à Philippot, mais l'erreur qu'elle a faite... c'est de ne pas être capable de valider la droite des valeurs, parce qu'elle-même n'est pas de la droite des valeurs. Hein. C'est une bourgeoise libertaire et fêtarde. Et Philippot est bloqué sur la droite des valeurs, parce que c'est un homosexuel, et que tous les mecs qu'il a ramenés sont des homosexuels. Et du coup, les droitards du front confondent la ligne sociale et la ligne gay. Voilà, exactement. Alors qu'il n'y a pas de ligne socio-gay. Voilà. Donc en fait, mais on est ça, dans un... Le Pen, elle l'attaque parce qu'il est juvénementiste, alors qu'en fait, il n'ose pas dire que c'est parce qu'il est, il est PD. Ce qu'avait dit Roger Hollindre en partant, il avait dit c'est tous les PD quand on... S'ils avaient validé ce que je leur ai proposé, c'est-à-dire qu'il faut... Il faut proposer une idéologie de combat pour 2017, même si, quitte à sacrifier l'élection qui arrivait 3 mois après, effectivement, où on faisait un vrai changement. Il faut couper avec le libéralisme économique, ça a été fait, et il faut marcher sur deux jambes. Et plus on fait dans la gauche sociale, plus on fait faire dans la droite des valeurs, pour gagner des électeurs sans en perdre d'autres, et avoir ce double électorat. Ils n'ont pas fait ce travail parce que Marine n'est pas au niveau. Jean-Marie a ses responsabilités aussi. Et aujourd'hui, le système qui est tout sauf bête, c'est qu'il y a une énorme ligne de fracture au front entre les droitards qui veulent l'union des droites et Marine qui reste collée à Philippot et qui veut maintenir une ligne sociale coûte que coûte. Et le système va faire péter le front avant les présidentielles. Et Béziers, c'était déjà ce coup-là. Et ils ont invité la nièce contre la tante, parce qu'elle est en train d'être manipulée contre sa propre tante. Elle est partie, parce qu'elle a compris la manip. Tu dis la tante, tu fais... Excuse-moi, il y a une tante et une nièce, ah, non oui, d'accord. Tu piches qu'il y a deux filles Le Pen blondes. Tu penses à qui, toi? Tu suis un peu, quand même. Je pensais à Philippot. Non. Ceux dont ils vont se servir pour faire péter Marine... collé à Philippot, c'est Marion Maréchal. Excuse-moi, il faut suivre un peu. Tu vois bien qu'il y avait Collard qui l'accompagnait quand elle est sortie de la réunion de Béziers, où elle a compris qu'elle avait été amenée là contre sa tante. Et Philippot et Ménard qui a dit que le Front National était un marche-pied qui, comme Collard, n'a jamais adhéré au Front National, oui, n'a jamais voté Jean-Marie Le Pen. Le Front National. Avec Valeurs Actuelles derrière, qui ils sont bien là pour faire péter le Front National par la droite. En rendant inconciliable la gauche et la droite du front, parce qu'ils n'ont pas été capables de produire gauche du travail, droite des valeurs. Donc aujourd'hui, il y a un hiatus gauche-droite au front. Et les droitards veulent une union des droites, une fierté des droites, qui consiste à les tapiner, en fait, pour Juppé. Hein. Et le front va exploser parce que Marine, qui se prend pour la reine Catherine, est totalement isolée par ses courtisans homo et ne veut rien négocier, rien lâcher depuis très longtemps. Donc elle dit « c'est moi qui décide, c'est comme ça, etc. » Et donc toute la haine se reporte sur Philippot, qui est très impopulaire au niveau des militants parce qu'il arrive de l'extérieur, que c'est un homo gaulliste, etc. Et en plus, Jean-Marie en rajoute parce que comme il n'ose pas s'en prendre vraiment à sa fille, il dit que tout est de la faute de Philippot. Oui. Alors que Philippot est le seul mec intelligent au front. Et vous verrez qu'à Béziers, il y avait quand même Alliot, hein, qui était là pour valider la ligne contraire. Eh oui, il faut suivre un peu, mon gars. Tu regardes les images, tu regardes quand Marion Maréchal comprend... au moment où Ménard explique pourquoi il a monté cette combine, elle sort de la salle parce qu'elle est là uniquement contre, en fait elle est manipulée contre sa propre tante, hein. Elle sort et t'as Collard qui l'accompagne, qui la manipule depuis le début, le lambertiste avocat marron du front, pour essayer d'arrondir les angles parce qu'ils vont se servir d'elle pour faire péter le front. Aujourd'hui, après la fille contre le père, il y aura la nièce contre la tante. Et le système est déjà en train de faire péter le front pour les présidentielles. Ils vont arriver totalement désunis, sans idéologie. Alors ils vont faire péter sur l'euro, sur l'Union européenne, sur la stratégie gauche ou droite. Oui. Et déjà, j'annonce une catastrophe là. Hein, c'est que le système est en train de faire péter le front et le front va arriver à la présidentielle dans un état catastrophique de dissension interne violente. Et Marine va payer, d'une certaine manière, pour son manque de lucidité, pour sa trop grande arrogance, et simplement pourquoi ? Parce que c'est un parti qu'elle n'a pas conquis, on le lui a donné, elle ne sait pas ce que c'est que la guerre politique. Elle a cru que la guerre politique, c'était discuter avec les médias complaisants dans un premier temps, qui étaient complaisants que pour la flinguer, et là maintenant, elle est en train de comprendre ce qui se passe depuis l'entre-deux tours des régionales, c'est-à-dire où le CRIF, après l'avoir manipulé, forcé à virer son père en prétendant qu'il n'interviendrait pas dans le juste combat démocratique, lui ont mis profond. Hein, elle l'a compris, c'est trop tard. Elle ne sait plus quoi faire. Elle est contestée de partout à l'intérieur. Le départ du petit Rushdie était déjà là-dessus, hein, en disant « vous êtes en train de perdre la droite des valeurs ». Et bon, c'est ma conclusion. Le système Et il y aura même va pas faire besoin... péter le front avant la présidentielle elle, et elle sera même pas au deuxième tour. Et il n'y aura même pas besoin d'une petite manip policière. Même pas besoin, tout est le, voilà, le front. Tout est déjà en germe. Tout est dedans parce qu'il fallait prendre gauche du travail, droite des valeurs pour comment, désamorcer la bombe en amont. Cette idéologie gauche du travail, droite des valeurs était la bonne parce que c'était la réponse. C'est ce que j'explique en ce moment d'ailleurs facilement, c'est que si vous allez à la manif pour tous, vous sauvez la civilisation. Si vous luttez pour maintenir le droit du travail, vous sauvez aussi la civilisation. Ce sont deux combats à mener conjointement contre la destruction libérale, la déréglementation, la dérégulation de tout. Parce que quand vous protégez le droit du travail et quand vous protégez la famille traditionnelle, vous protégez la même chose. Vous protégez la capacité des hommes à vivre humainement, sereinement et à ne pas être entièrement soumis au monde de la marchandise, qui est soit de vendre des enfants, soit d'être licenciable jour au lendemain parce que l'entreprise a des nouvelles stratégies de conquête de marché. Et c'est le même combat. Le combat de la droite des valeurs pour défendre la famille et le combat de la gauche du travail pour défendre le code du travail est le même combat. Mais ça vous amène deux électorats différents et complémentaires. Un électorat droitard, raciste, anti-musulman, rentier, petit et moyen bourgeois, et un électorat social issu parfois de l'immigration. Et avec cette idéologie-là, Marine était parfaitement en phase avec la présidentielle de 2007. Elle était l'évidence. Elle était l'évidence pour la prise du pouvoir. Elle n'a pas compris ça. Elle ne l'a pas validé. Elle ne l'a pas compris parce qu'elle n'a pas l'intelligence politique. Elle ne l'a pas validé parce que ça venait de moi. Hein. Et là, elle est collée à Philippot sur les sondages et sur sa ligne de gauche sociale qui n'est pas du tout à remettre en question, mais qui est totalement déséquilibrée. Et c'est ces deux déséquilibres qui va faire péter le front. Et vous verrez qu'à la fin, vous aurez Louis Alliot pour la trahir aussi. Et Louis Alliot était à Béziers. C'est un droitard sioniste pro-franc-mac dont le seul destin politique possible est de finir un jour maire de Perpignan. Et c'était bien le type que j'avais bien désigné à l'époque comme le... Il était même bien plus que le... Il m'a fait condamner à 10 000 euros d'amende pour comme ça. Comme dans le film Dino Attal. L'histoire me donnera raison. Vous verrez, première fois que j'ai eu une réunion privée avec Le Pen, non pas à Montretout, mais chez son épouse à... Rueil. À Rueil, Malmaison. Nous étions trois à cette réunion, moi, Le Pen et Alliot. Et j'ai immédiatement identifié Alliot comme le... et mon ennemi. Et le type qui était là pour me faire la peau parce que je représentais quelque chose de dangereux. Mais de dangereux parce que je représentais l'intelligence et l'avenir. Alors que lui ne peut s'épanouir que dans la médiocrité du Front National de collaboration et d'extrême droite. Hein. Et même des choses que j'attribuais à Marine à l'époque, où tous les gens qui voulaient adhérer au Front, suite aux réunions publiques que je faisais, qui étaient à la fois dangereuses et héroïques, hein, où je faisais venir des gens d'extrême gauche, dits d'extrême droite et issus de l'immigration, celui qui a interdit qu'on prenne aucun adhérent qui venait de moi... C'était Louis Alliot. Et souvent, je l'ai attribué à Marine abusivement. En fait, ça s'est aussi un peu passé dans son dos. Hein. Et elle va payer les pots cassés, malheureusement, pour tout ça. Moi, ce que je vous annonce, c'est qu'elle finira comme Jospin à l'annonce du premier tour. Hein. Ouais. Rappelez-vous. Hein. Chers auditeurs, chers invités, c'est sur ces mots que nous allons conclure cette émission. Félix Nisch, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, mon cher. Alors, je rappelle à nos auditeurs que vos livres sont disponibles sur le site contreculture.com. Je les cite à nouveau. Ex-France, CCCP et autres chutes. Spleen and Strings, un recueil de poésie. Vis Comica, Arabesque et Fragrance Feminae. Félix Nisch, à bientôt. Merci, à bientôt. Félix, un très grand styliste. Hein. Merci, Alain, ça. Merci beaucoup. Un gros travail d'écriture. Hein. Ouais. Ça rigole pas. Et Alain, merci d'être passé également. Moi, j'ai moins le temps d'écrire parce que je suis en mouvement, mais je fais aussi le boulot d'une autre manière, complémentaire. Oui. Hein, campagne de Russie, campagne de France. nous sommes dans une période de kairos, comme on dit. Ouais, c'est une période où il se passe beaucoup de choses en peu de temps. Ouais. Et comme il s'est passé pas grand-chose dans beaucoup de temps entre les années 80 et aujourd'hui, on va dire pratiquement. Hein, Baudrillard avait raison de dire que les années 2000 n'avaient pas existé. On peut dire ça. On est là, et même si c'est dangereux, on est content de participer à... Enfin, une période où il va y avoir à nouveau de l'histoire, avec un grand H. Et on sera là la semaine prochaine avec Xavier. Xavier, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de La Mota. Son album Bande Originale est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter Salle des Pas Perdus, opus 50. Bonne écoute à tous, à la semaine prochaine.